Le rôle le plus difficile. Le mari et la femme discutaient souvent sur le point de savoir lequel des deux dans le ménage avait le rôle le plus difficile. L'homme disait que c'était le sien et la femme prétendait le contraire. Un jour d'été, ils changèrent d'occupation. La femme s'en alla au champ et le mari garda la maison. Fais bien attention, lui dit en partant la femme. Fais sortir à temps les vaches et les moutons. Donne à manger aux poussins et prends garde qu'ils ne s'égarent. Prépare le dîner avant mon retour, fais les crêpes et bats le beurre. N'oublie pas surtout de piler le millet. La baba donna donc les ordres nécessaires et partit. Avant que le moujik eût pensé à faire sortir le bétail, les animaux étaient déjà loin et c'est avec peine qu'il put les rejoindre. Il revint à la maison et pour qu'un milan ne pût enlever les poussins, il les attacha l'un à l'autre par les pattes et fixa l'extrémité de la ficelle à la patte de la poule. Il avait remarqué que sa femme, tout en pilant le millet, pétrissait la patte. Il voulut donc faire comme elle. Il se mit à pétrir la patte et à piler le millet. Et pour pouvoir battre le beurre en même temps, il attacha le pot de crème à la ceinture. Lorsque le millet sera pilé, pensa-t-il, le beurre sera prêt aussi. À peine le moujik eut-il commencé qu'il entendit la poule crier « Kirikiki » et les poussins piauler. Il voulut courir pour voir ce qui se passait dans la cour, mais il trébucha, tomba et le pot de crème fut brisé. Cependant, il se précipite dans la cour et il aperçoit un énorme milan qui saisit un poussin et l'enlève avec les autres ainsi que la poule. Pendant que le moujik restait bouche bée, le porc pénétra dans l'isba, renversa le pétrin, la patte se répandit très à propos pour l'animal qui se mit à la dévorer. Un autre porc se fourra dans le millet, tandis que le feu s'éteignit. Le moujik rentra et devant tous ses malheurs, ne sut plus où donner de la tête. La femme, en revenant, regarde dans la cour. Plus de poule. Elle dételle vivement le cheval et entre aussitôt dans l'isba. Où sont les poussins et la poule? Un milan les a emportés. J'avais attaché la poule et les poussins pour ne pas qu'ils s'égarent, mais un énorme milan survint et les emporta. Et le dîner est-il prêt? Quel dîner, puisqu'il n'y a pas de feu? As-tu battu le beurre? Mais non! En sortant de la cour, je me suis heurté et j'ai été culbuté. Le pot s'est cassé et les chiens ont mangé la crème. Et qu'est-ce que c'est que cette pâte qui est répandue? Les maudits cochons! Pendant que j'étais dans la cour, ils ont pénétré dans l'isba, l'un a renversé le pétrin et l'autre le millet dans le mortier. « Comme tu as bien travaillé, » dit la baba, « moi j'ai labouré mon champ, je reviens de bonne heure. » « Ah oui, là-bas, il n'y a qu'une chose à faire, tandis qu'ici, il faut tout faire à la fois, prépare ceci, soigne cela, songe à tout, comment y arriver ?»« Et moi cependant, j'y arrive chaque jour. » Ne discute donc plus et ne dis plus que les babas n'ont rien à faire.